Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Fadjet. Bien, commençons par Vivaldi et l'un de ses concertos pour violon les plus célèbres, le concerto L'Inquiétude, numéro de catalogue Rium 234, Rium parce que c'est le nom du musicologue qui a classé les œuvres de Vivaldi, Peter Rium, et c'était évidemment une tâche absolument incroyable parce que Vivaldi a composé vraiment des centaines et des centaines de concertos, plus les opéras, plus la musique sacrée, donc ça fait quand même beaucoup. Ce concerto L'Inquiétude, bah c'est un des plus célèbres finalement. Pourquoi il s'appelle comme ça? Bon, on ne sait pas trop. C'est vrai que le premier mouvement, note quelques tensions, mais enfin bon, on ne peut pas dire que ce soit vraiment non plus quelque chose d'exacerbé. Et c'est un concerto parmi les plus virtuoses, mais tous les concertos de Vivaldi sont particulièrement difficiles, quel que soit l'instrument d'ailleurs, puisque Vivaldi a composé aussi bien pour son instrument qui était le violon, que pour la flûte et même la mandoline, le violoncelle. À l'époque, peu de compositeurs écrivaient des concertos pour violoncelle. Curieusement, il n'a pas composé de concerto pour clavecin. Bref, donc un compositeur évidemment qu'on ne présente plus, essentiel, les Quatre Saisons, le Gloria, ses opéras qui sont aujourd'hui joués fréquemment, enregistrés. Voici en intégralité, parce qu'on va quand même pas bouder notre plaisir vivaldien, le concerto L'Inquiétude avec au violon Daniel Hopp, un disciple de Yehudi Menuhin, et l'orchestre de chambre d'Europe lui donne la réplique. Thank you. Intégrale, le concerto L'Inquiétude de Vivaldi, Riom 234, avec Daniel Hope au violon et l'Orchestre de Chambre d'Europe. Et on continue avec un autre concerto pour violon, mais alors distant de plus de deux siècles avec celui qu'on vient d'entendre, c'est le concerto de Samuel Barber. Samuel Barber, 1910-1981, l'un des principaux compositeurs américains du XXe siècle, connu surtout pour un adagio pour cordes qui a été maintes fois et maintes fois utilisé au cinéma, par exemple, entre autres, vraiment très souvent. Et c'est d'ailleurs cet adagio pour cordes est en fait le mouvement lent d'un quatuor à cordes, et Barber en a proposé une version amplifiée, si je puis dire, pour grand orchestre à cordes. Ce concerto pour violon qu'on va écouter date du début des années 40, 1940, donc pas très éloigné de la période où il compose l'adagio pour cordes, et c'est un concerto très difficile, très virtuose. Il se termine avec un presto en mode mouvement perpétuel. Eh bien, on va l'écouter, ce presto du concerto pour violon de Samuel Barber avec Isaac Perlman et le Boston Symphony Orchestra, dirigé par Seiji Ozawa. Thank you. Finale du concerto pour violon de Samuel Barber avec Isaac Perlman en soliste et l'orchestre symphonique de Boston dirigé par Seiji Ozawa, bah, ça aurait pu s'appeler aussi l'inquiétude, hein, ce concerto-là. C'est fébrile. Et en même temps, si vous avez dans l'oreille le premier concerto pour violon de Prokofiev, il y a quand même une certaine ressemblance. On peut penser que Barber connaissait l'œuvre de Prokofiev, qu'il s'en est peut-être inspiré. On passe à Handel maintenant. Handel qui a créé son premier opéra, Almira, sur la scène hambourgeoise en 1705. Et c'est un opéra qui a connu un retentissement extraordinaire, un triomphe, on peut le dire, jusqu'en Italie, puisque le prince de Toscane, Ferdinand de Médicis, qui était un amoureux fervent des arts, bien sûr, eh bien, a invité le jeune musicien dans son palais à Florence. Et en 1706, eh bien, à la fin de l'année, le compositeur, qui est âgé de 21 ans, notre Handel, quitte donc son Allemagne natale et descend vers l'Italie. Il va rester à Florence un certain temps, mais on ne sait pas combien de temps. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a fait, parce qu'il n'y a pas trop de documents sur cette période. Et ensuite, il part à Rome. Et là, à Rome, il va connaître également beaucoup de succès. Les journaux parlent de sa venue d'un Saxon qui jouait merveilleusement du clavecin et qui était un excellent compositeur. Il va composer d'ailleurs là-bas ses premiers grands oratorios et ses premières pièces sacrées d'importance, comme le Dixit Dominus. Et ben, on va en écouter le début de ce Dixit Dominus de Georg Friedrich Handel avec le chœur et orchestre Les Musiciens du Louvre dirigé par Marc Minkowski. Le début du Dixit Dominus de Georg Friedrich Händel avec l'ensemble Les Musiciens du Louvre et le Chœur, dirigé par Marc Minkowski. On a entendu les voix de Danik Massis et Magdalena Kozena, soprano. Chopin maintenant, Chopin et ses polonaises, ben il en a composé toute sa vie des polonaises, la première d'ailleurs à 7 ans, ben oui on oublie de le dire, mais il n'y a pas que Mozart qui fut un enfant prodige, bien que Mozart réussissait des prouesses incroyables vers ses 7-8 ans, mais bon quand même, la plupart des grands compositeurs étaient des enfants prodiges. Et Chopin, ben, il en a donc composé toute sa vie, ses polonaises, c'est une façon aussi de se raccrocher à son pays d'origine, puisqu'il était exilé en France durant la plupart des années. Il a passé la plupart de sa vie d'adulte en France, après être passé par Vienne. Et puis, les mazurkas, les polonaises, c'est une façon aussi d'évoquer la mémoire de son pays. La polonaise opus 40 est l'une des plus célèbres. Elle a un côté un petit peu martial. C'est pourquoi, parfois, elle est surnommée militaire, mais elle n'a rien de guerrier. Je vous rassure tout de suite, on l'écoute interprétée par Maurizio Pollini. Thank you. La polonaise opus 40 de Frédéric Chopin, jouée par Maurizio Pollini, l'un des grands enregistrements de ces polonaises, était paru chez Deutsche Grammophon en 1976. Joseph Haydn, il est considéré, à juste titre d'ailleurs, comme le père du quatuor à cordes. Encore que le quatuor qu'on va écouter maintenant, la paternité n'est pas certaine. On n'est pas vraiment sûr qu'il soit vraiment de Haydn. Néanmoins, ce quatuor était parmi autrefois les plus joués, quatuor sous-titré Sérénade. Voilà encore, on ne sait pas trop pourquoi. Alors pourquoi Haydn s'est-il intéressé au quatuor à cordes? Pourquoi l'a-t-il modernisé, si je puis dire, lui a donné ses lettres de noblesse? Eh bien parce qu'il y avait un comte Furnberg qui faisait de la musique avec des amis. Et il a commandé à Haydn des pièces pour quatre, donc quatuor, donc deux violons, alto, violoncelle. Le genre existait déjà, mais dans une forme un peu embryonnaire. Et puis, donc, Haydn s'est attelé à la tâche. Il a composé parmi les quelques-uns des plus beaux quatuors à cordes. Alors, voici ce quatuor sérénade à la paternité douteuse, on va dire, de Haydn, l'Andante Cantabile, joué par le quatuor Italiano. Thank you. Le quatuor sérénade, l'andante cantabile attribué à Haydn, joué par le quatuor italiano. Un peu de musique tzigane maintenant, avec une reprise de la chanson de Charles Aznavour, La Bohème, chanson écrite par Charles Aznavour lui-même et Jacques Plante. On l'écoute interpréter cette adaptation par le violoniste tzigane Roby Lakatos, entouré bien sûr de son ensemble. La Bohème, chanson de Charles Aznavour, version tzigane avec Roby Lakatos et son ensemble. Alors, à propos de chansons, peut-être savez-vous que le deuxième mouvement Adagio Cantabile de la 8e sonate de Beethoven, dite pathétique, a été maintes fois utilisé dans la chanson. Alors, il y a des chanteurs anglo-saxons qui l'ont repris. Et puis, chez nous, il y a Michel Thor qui avait fait une chanson sur ce thème musical de l'Adagio de la sonate numéro 8 de Beethoven. Donc, c'est une sonate encore de jeunesse, hein. Beethoven la compose lorsqu'il a à peine 30 ans. Il ne les a même pas, d'ailleurs. Et évidemment, c'est une des sonates les plus célèbres. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve encore cette histoire de titre, de surnom pathétique, ça fait vendre. Et autrefois, elle était souvent couplée pour des raisons pratiques de minutage à l'époque du vinyle, mais enfin, c'est aussi notre époque maintenant, puisque le vinyle est revenu en force. Eh bien, elle était souvent couplée et avec la sonate au clair de lune et avec la sonate appassionata. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ce sont... trois sonates à titre, d'accord, mais qui sont assez révélatrices de l'évolution du style de Beethoven dans ce genre, puisqu'elles ont été composées à différentes périodes de la vie du compositeur. Donc, sonate numéro 8, on va en écouter l'adagio. On retrouve donc notre cycle des sonates de Beethoven, l'intégrale que je vous propose sur un certain nombre d'émissions, on verra. Et puis, c'est toujours joué, comme depuis le début de ce cycle, par Stefan Kovacevic. Thank you. L'Adagio cantabile de la 8e sonate dite pathétique de Beethoven par Stephen Kovacevic. Pas vraiment pathétique, hein, ce mouvement plutôt rêveur. Et on va rester avec Beethoven. Vous vous souvenez peut-être lorsqu'il y a eu l'hommage national qui a été rendu récemment à l'ancien garde des Sceaux Robert Badinter, fameux humaniste, vraiment un grand homme. Eh bien, la famille de Robert Badinter avait choisi pour accompagner l'événement la 7e symphonie de Beethoven, le mouvement lent, l'Allegretto. Pas vraiment lent d'ailleurs, Allegretto, c'est quand même assez allant. Et évidemment, c'est une œuvre magnifique, une sorte de marche funèbre qui ne dit pas son nom, puisque Beethoven n'a pas indiqué ce terme alors qu'il l'a fait pour d'autres œuvres. Et c'est une œuvre qui date des années 1811-1812, créée en 1813, très différente de la 8e qui a été composée à peu près à la même époque. Et ben, je vous propose d'écouter justement la version qui avait été choisie pour l'hommage national à Robert Badinter. C'était la version de Leonard Bernstein avec l'Orchestre Philharmonique de New York. C'était l'Allegretto, deuxième mouvement de la 7e de Beethoven, 7e symphonie avec le New York Philharmonic, Leonard Bernstein. Allez, on termine avec un peu d'opéra, Orfeo Eurydice de Christoph Willibald Gluck, qui est Puro Ciel, chanté par Anne-Sophie Von Otter, entouré de The English Concert et Trevor Pinnock. sia sia questo che mi vieni a incontrar stuolo felice. C'était Che puro ciel, tiré de L'Orfeo et Eurydice de Christophe Willibald Gluck avec Anne-Sophie Von Otter, The English Concert et Trevor Pinnock. Et bien voilà, c'est terminé pour ce matin, ce samedi. Ben, on se retrouve demain, hein, demain dimanche à 11h pour une nouvelle émission de Discothèque Classique. Donc je vous souhaite une excellente journée, un bon samedi, et puis on se retrouve demain. À demain.